طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس السابق القاعدة الثالثة، وهي بعنوان ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. وكما تقدم أن هذه القاعدة تتمة للقاعدة السابقة التي هي بعنوان الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها. Donc, on en est resté à la troisième règle qui dit, c'est-à-dire au sujet des attributs d'Allah Azza wa Jal, cette troisième règle qui dit que le sens apparent des attributs divins nous est connu d'un certain point de vue, et d'un autre point de vue nous est méconnu. Tamam. Et donc on a dit que cette règle, la troisième, est en réalité un complément d'information découlant de la deuxième règle. La deuxième règle qui disait que, ou qui évoquait le caractère obligatoire de prendre le sens apparent des textes du Coran et de la Sunna. Naam. Man yadhkur lana dalilan ala anna hadhihi an-nusus معلومة لنا. Qui peut nous évoquer un dalil qui nous montre que les textes du Coran et de la Sunna qui évoquent les attributs divins sont pour nous connus d'un certain point de vue? Qui peut nous évoquer les dalils ou un dalil? ها إسماعيل، عندك دليل؟ qui peut nous évoquer un dalil qui montre que les textes concernant les attributs divins nous sont connus d'un certain point de vue? نعم، قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ولا يحصل التدبر إلا بعد الفهم والعقل والمعرفة بالمعاني. Il y a parmi les preuves le verset 29 de Surat Sad, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon une traduction approximative, un livre que nous avons fait descendre sur toi, un livre béni que nous avons fait descendre sur toi, pour qu'il le médite, ou pour qu'il médite ces versets. Donc, le fait de méditer les versets d'Allah Azza wa Jal ne peut se faire qu'après avoir eu connaissance de ce que ces versets recèlent comme sens. نعم وهناك دليل أصرح وهو أصرح دليل في هذا الباب وقد غفل عنه الكثير من العلماء ولو أدخله الشيخ العثيمين في هذا الباب لكان وافيا شافيا كافيا. Et il y a un dalil encore plus pertinent que les adillah qu'a évoqué Cheikh Al-Uthaymeen. Et c'est un dalil qui échappe à beaucoup de savants lorsqu'ils expliquent ce passage ou ce point. Alors que c'est un dalil clair. C'est un dalil clair. Et on aurait souhaité que Cheikh Al-Uthaymeen l'évoque dans ce genre de passage. Naam. Et ce dalil n'est autre que le hadith. Le hadith qu'a rapporté l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud, qui est l'élève de qui? Abu Daoud, c'est qui son cheikh le plus célèbre? L'imam Abu Daoud, Sahib Sunan. Hein? L'imam Abu Daoud, c'est qui son cheikh le plus connu? Al-Imam Ahmed. Al-Imam Ahmed. Donc, lorsqu'on dit, on évoque le nom du cheikh de l'imam Abu Daoud, c'est surtout pour vous faire comprendre que Abu Daoud fait partie des gens de la Sunna. Fait partie des gens de la Sunna, tant dans son suivi, que dans son mu'taqad, que dans sa croyance. Donc là, il rapporte un hadith très important, hein, un hadith de Abu Yunus Sulaym ibn Jubayr Mawla Abi Huraira. Il rapporte un hadith qui provient d'un des serviteurs de Abu Huraira. Donc ce serviteur, il dit qala sami'tu Abu Huraira yaqra'u hadhihi al-aya. J'ai entendu Abu Huraira lire ce verset. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Le verset 58 de sourate An-Nisa, de sourate les femmes, le verset 58 de sourate les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes Allah vous ordonne de restituer le dépôt aux ayants droit. Certes Allah vous ordonne de restituer le dépôt aux ayants droit. Ila qawlihi sami'an basira. Jusqu'à la parole où il dit, au sujet de lui-même, qu'il est l'audient, le clairvoyant. Sami'an basira. Qala. Donc là, c'est Abu Huraira qui parle. Il dit, qala. Ra'aytu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yada'u ibhamahu ala udhneh wallati taliha ala aynih. J'ai vu le prophète alayhi salatu wassalam déposer son index, ou plutôt déposer son pouce dans son oreille et son index sur son œil. Son pouce dans l'oreille et son index sur son œil. Qala Abu Huraira. Ensuite Abu Huraira il poursuit, il dit: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. Donc j'ai vu le prophète عليه الصلاة والسلام lire ce verset et déposer ses doigts comme il vient de le faire. C'est-à-dire quand le prophète صلى الله عليه وسلم dit سميعًا بصيرًا, il dit qu'Allah سبحانه وتعالى, il évoque le verset où Allah سبحانه وتعالى dit de lui-même qu'il est l'audient et le clairvoyant. Il fait en même temps un geste, le prophète, avec son doigt, avec ses deux doigts, le pouce et l'index, il colle le pouce vers son oreille, sami'an, vers son oreille, sami'an, et basira, il colle l'index vers le doigt, pour indiquer quoi? Pour indiquer qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est audient, c'est-à-dire qu'il possède une audition, et qu'il possède une vision, il est clairvoyant, c'est-à-dire qu'il possède une vision, نعم. ولهذا بعد ذلك الإمام أبو داود يقول: وقال ابن يونس قال المقرئ يعني إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعا وبصرا. وقال أبو داود: وهذا رد على الجهمية، وهذا رد على الجهمية، وكذلك رد على المفوضة، على المفوضة. Donc Abu Dawood, il te dit que ce hadith-là, c'est un rad concernant la secte des Jahmiya, qui eux disent que Allah subhanahu wa ta'ala sami'an bila sam' wa basiran basirun bila basar, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala est clairvoyant sans vue, sans vision. Et il est l'audient sans audition. Non. Et nous, on dit que c'est aussi un rad pour la secte qu'on appelle Al-Mufawwida. Non. Donc, essayez de retenir ce dalil-là, car il est extrêmement pertinent. Et c'est le dalil de base sur ce sujet, qui vise à dire que les textes concernant les attributs d'Allah Azza wa Jal doivent se prendre dans leur sens apparent, et que on affirme bel et bien à Allah Azza wa Jal les attributs qu'il s'est affirmés, et qu'il y a bel et bien une compréhension du sens de base, mais que nous, bien qu'on affirme la compréhension du sens de base, on réfute totalement la connaissance du comment. Comment est cette vision? Ça, Allahu a'lam. Comment et cette audition, ça Allahu a'lam. Comment est sa main, Allahu a'lam. Comment est son pied, Allahu a'lam. Comment sont ses yeux, Allahu a'lam. Wahadahu. Donc ça, c'est le mu'taqad sahih. Non. Qala Sheikh Al-Uthaymin, alayhi rahmatullah. Qala Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah fi kitabihi al-ma'ruf bil-aql wal-naql. العقل والنقل درء تعرض العقل والنقل، هذا هو اسم الكتاب، درء تعرض العقل والنقل. نعم. قال: وأما التفويض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ Donc, Cheikh l'Islam, il te dit, en ce qui concerne les gens du tafouid, la secte du tafouid, il faut savoir que ce qui est bien connu, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans le Coran, où il nous a demandé de méditer le Coran. Et il nous a fermement enjoint de réfléchir, de méditer sur ces versets. Donc comment serait-il permis, après cela, que on se détourne de la compréhension ou de la connaissance de certains de ces versets? Naam. وهذا رد على المفوضة. لأن مقتضى قولهم الإعراض عن فهم معاني بعض الآيات التي تتعلق بأعظم الموصوف، التي تتعلق بأعظم الموصوف. وأعظم ما في القرآن ما هو؟ أعظم الموضوع الذي ذكر في القرآن ما هو؟ يعني donc là, il y a en cela une réfutation à la secte des Mufawwida, parce que le sens implicite de leurs paroles, c'est tout simplement qu'ils t'invitent à te détourner de la compréhension du sens de certains versets. En l'occurrence, les versets qui portent sur les attributs divins. Et il faut savoir que le sujet le plus important du Coran, le sujet le plus important du Coran, c'est lequel? Quel est le sujet le plus important évoqué dans le Coran. Ma la ya'raf. At-tawhid. Hadas, le tawhid, c'est juste, mais c'est pas assez précis. Tamam. Le sujet le plus important dans le Coran, ya ikhwan, c'est la description d'Allah Azza wa Jal. Le sujet le plus important dans le Coran, c'est tous les versets où Allah subhanahu wa ta'ala se décrit. Naam, il n'y a pas plus important dans le Coran que les versets qui portent sur l'être divin. Naam. Alors comment Allah subhanahu wa ta'ala lui demande de méditer ce Coran du début à sa fin, et le sujet le plus important, on va s'en détourner. Dire, ah non, ça, on ne peut pas comprendre, il n'y a pas de sens. خلاص بطل نعم قال إلى أن قال وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه طيب et donc si on suit leurs paroles, si on suit leur parole, la parole de cette secte, ça sous-entendrait que tout ce dont Allah s'est lui-même décrit dans le Coran, ou une grande partie, les prophètes qui ont transmis le message divin ignorent le sens de ce qu'ils disent au sujet de l'être divin. Au sujet d'Allah Azza wa Jal. Ça sous-entendrait de dire que les prophètes ignorent ce qu'ils disent, ignorent le sens de leurs paroles. وَهَذَا يَعْنِي تَجْهِيلٌ لِلْأَنْبِيَا وَكَذَلِكَ لِلْسَلَفِ لِأَنَّهُمْ يُنْسِبُونَ هَذَا الْقَوْلِ لَا مَذْهَبِ السَّلَفِ عَلَى زَعْمِهِمْ. Donc le fait de prétendre ce genre de prétention, c'est tout simplement, c'est purement et simplement de rendre ignorants les messagers et les prophètes d'Allah Azza wa Jal, ainsi que les pieux prédécesseurs, puisqu'ils ont la prétention de dire qu'ils suivent les pieux prédécesseurs en cela. Mais c'est pourquoi Cheikh al-Islam, lorsqu'il parle de ces sectes, il les appelle Ahlul Tajhil, les gens qui rendent ignorants. C'est-à-dire, ils rendent ignorants les prophètes. Et c'est pourquoi on voit, comme Cheikh l'Islam va l'évoquer, que cette secte fait partie ou est celle qui possède la pire des paroles. On n'a pas entendu en islam une parole plus mauvaise que celle sortie ou provenue de cette secte ou de la secte des Shia, des Rawafid. Des Rawafid. Qala. Donc on est toujours dans les paroles de Cheikh l'Islam. Cheikh l'Islam يقول ومعلوم أن هذا قدح في القرآن قدح في القرآن أي نعم لأنه جعل القرآن بمنزلة الكلام الأعجمي مع أن الله سبحانه وتعالى قد امتن على الخلق بقرآن عربي مبين parce que déjà donc Cheikh l'Islam il dit il est bien connu que cette parole implique une critique vis-à-vis du Coran et des prophètes. Vis-à-vis du Coran. Déjà parce que le fait de dire qu'on ne comprend pas son sens et qu'il n'y a pas de sens à certains versets, ben ça serait tout simplement de rendre ce Coran qui est en langue arabe explicite. Ce serait le rendre, le comparer à un Coran en langue étrangère. En langue étrangère. Le Coran est descendu sur des Arabes en arabe. Donc le fait de dire qu'il y a des sens, qu'il y a des paroles qui n'ont pas de sens, ce serait leur rendre ce Coran-là comme s'il était étranger, en langue étrangère. Et ça, c'est déjà un blasphème en ce qui concerne le Coran et en ce qui concerne les prophètes, comme vous l'avez entendu, c'est comme si on disait qu'ils étaient ignorants. قال ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله عز وجل أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم وأمر بالتدبر القرآن وعقله ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين وعلى هذا التقدير فيقول نعم توسالا دونك لا شيخ الإسلام il dit que il explique pourquoi cette parole est considérée comme un blasphème du point de vue du Coran ainsi que du point de vue des prophètes. Tout simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait descendre le Coran en informant que c'est une guidée et qu'il est et que c'est une explication des choses pour les gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné son messager, le prophète alayhi salatu wasalam, de le transmettre d'une transmission claire et limpide et d'expliquer aux gens tout ce qui est descendu. Et Allah subhanahu wa ta'ala aussi a exigé que l'on médite le Coran et qu'on le comprenne. Et c'est là aussi une parole jamil de Cheikh al-Islam. Il te dit, tout en sachant que la chose la plus élogieuse, le sujet le plus élogieux du Coran n'est autre que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala le sujet dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ou nous a informé de ses attributs. Malgré tout, ce passage-là, personne ne le connaît. Personne ne connaît son sens. Personne ne peut le comprendre. Personne ne peut le méditer. Ni le prophète alayhi salatu wasalam n'a expliqué le sens de ce qui concerne les attributs d'Allah Azzawajal. Donc ça viendrait à dire que le prophète alayhi salatu wasalam n'a pas transmis d'une transmission claire et limpide. Naam. Ensuite il dit wa ala hadha at-taqdir fa yaqulu kullu mulhidin wa mubtadi'in al-haqqu fi nafsi al-amr ma 'allamtuhu bi ra'yi wa 'aqli وليس في النصوص ما يناقض ذلك لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها وما لا يعلم أحد معناها أو معناه لا يجوز أن يستدل به فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان في جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. نعم. Et là aussi un point très pertinent qu'a soulevé Cheikh l'Islam en disant que le fait d'avoir cette compréhension là, ce serait ouvrir une porte à tous les innovateurs et tous les égarés qui viendraient à prétendre que eux ont la connaissance des sens dont nous ignorons nous-mêmes les sens des versets dont nous ignorons les sens. Naam. Donc eux, ces innovateurs et ces égarés vont dire, nous on connaît. C'est quoi vos preuves? Nous on a des preuves rationnelles. Parce que là, vous venez avec des preuves que même les messagers, vos messagers ne connaissent pas. Donc nous, on vous explique avec des preuves rationnelles que le sens c'est telle ou telle chose. En fait, ça aurait été tout simplement d'ouvrir une porte à la zindaqa. D'ouvrir une porte à la mécréance pure. D'ouvrir une porte à l'hypocrisie, d'ouvrir une porte à toute personne qui veut blasphémer la religion islamique et en particulier l'être divin, le créateur des cieux et de la terre. Non. Kalam Jamil Jiddan Osadit. Et aussi, comme on l'a évoqué dans les projets, dans le cours précédent, si vraiment il y avait des passages concernant les attributs d'Allah Azzawajal qui sont ambigus pour les Arabes de l'époque, qu'ils étaient prêts à combattre le prophète alayhi salam de tous les moyens possibles. De tous les moyens possibles. Ils l'ont traité, ils l'ont insulté, ils l'ont frappé, ils l'ont combattu. Vous pensez que s'il y avait des passages ambigus dans le Coran, ils les auraient pas soulevés? Ils n'auraient pas dit non, non, ça on comprend pas. Ils n'auraient pas fait en sorte de faire fuir les gens par ce genre de soi-disant preuves. Le fait qu'on n'a aucune trace qu'un mouchrik du prophète, du temps du prophète alayhi salam, on n'a aucune trace qu'un polythéiste du temps du prophète alayhi salam a évoqué que dans le Coran il y a des passages que l'on ne comprend pas, ça montre madame, le caractère caduc de la prétention qu'ont pu avoir ces sectes égarées comme Al-Mufawwada. À la kulli hal, قال فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم يتبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. Donc avec toute cette explication que Cheikh l'Islam vient de faire, cela nous montre que la parole des gens de la secte de Tafwid, hein, Mufawwida, fait partie des pires des paroles qu'ont pu dire les sectes et les sectes innovatrices et égarées. انتهى كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد وما عليه مزيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجمعنا به في جنة النعيم في جنات النعيم. Donc voilà comment se termine les paroles de Cheikh l'Islam en ce qui concerne ce point-là. Donc c'est une parole très très importante et madame, c'est une règle très très importante à retenir et à maîtriser hier, quoi. On entend des choses, on peut prendre des cours ici et là, mais si on ne maîtrise pas ce qu'on prend, on peut très vite s'égarer. Et on est fébrile devant la moindre opposition. Wallah, il m'est arrivé un récit à Dammaj qui, pour moi, a été vraiment une formation. Une formation. Il y avait un frère qui était dans cette optique. C'est-à-dire, pour lui, il considérait que les attributs d'Allah Azzawajal n'étaient pas compréhensible, on ne pouvait pas comprendre le sens premier de l'attribut. Et cette personne-là, bien qu'à Damage, est restée fortement sur son avis. Donc il a eu des critiques, il a eu des conseils. Tout d'abord, à Roland, il a eu des conseils de bon nombre de frères, c'est un frère sénégalais. Donc le premier à l'avoir conseillé, bien sûr, c'est notre frère Hamza. Jazakallahu khairan wa nasallallahu an yarhama rahmatan wasi'atan wa an yataqabbalahu shahidan 'indah. عليه رحمة الله فنصحه وصبر عليه حتى رأى منه العناد على هذا القول فهاجره. Donc أخونا حمزة il a conseillé ce frère-là plusieurs fois et d'autres personnes l'ont conseillé. Il y a même des mashayikh aussi qui l'ont conseillé, mais lui il est resté fermement sur son avis. Donc une grande partie des toulab lui ont fait le hajr, l'ont délaissé et on mis en garde contre ses paroles ou contre sa croyance. Et lui, il est resté sur sa voie. وَهَكَذَا وَقَدَّرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a décrété qu'un jour, يعني, يوم حراسة, un jour où on devait, c'était notre jour de garde. J'ai dû faire la garde avec lui. J'ai dû faire la garde avec lui. Fajalastu min as-sabah ila al-masa ma'a. Je me suis assis avec lui du matin jusqu'au soir. وقد عرفت انه على ضلالة في هذا المعتقد. Je savais très bien qu'il était sur une croyance erronée. لكن يا اخوان, quand on prend la science بأخذ هزيل, ما نبقى أمام الخصم كالأقوياء. C'est pourquoi quand on prend la science, il faut la prendre d'une bonne prise. Il faut réviser les cours. Il faut maîtriser. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, il faut poser des questions. Donc moi, j'avais déjà fait, à cette époque-là, j'avais déjà fait le cours Qawaid al-Muslah. J'étais sur des bases, mais j'étais sur des bases fébriles. Alors, on a parlé de tout et de rien. Et de fil en aiguille, il m'a rentré dans ce sujet-là. Mais il m'a rentré avec une langue arabe très, très... très éloquente. Le frère, il était connu dans tout Damage pour avoir dans la langue arabe un très lourd bagage. Et j'ai été séduit par sa langue arabe. Et le prophète sallallahu sallam, qu'est-ce qu'il nous dit? Certes, il y a des discours qui sont comparables à la sorcellerie. Au fil de l'année, Yahouan, t'as qu'à la maman imin en sabah. إلى المساء وما خرجت من عنده وأنا على قوله. C'est-à-dire qu'on a parlé, moi et lui, du matin jusqu'au soir, et on n'est pas arrivé jusqu'au Isha sans que je sois sur sa parole. Que je voie que sa parole, en fait, c'est un haq. Subhanallah, Allah il a décrété que je suis sorti de mon poste de garde, hein, que je marche, et je croise un frère, min ikhwan ila al-fudala. أخونا أحمد جزاه الله خيرا جزاه الله عني خيرا أخونا أحمد أبو حمزة. Donc je le croise et je lui dis, أخي, tu vois le frère, il m'a donné des dalils qui sont assez forts, des athar. Il m'a ramené des paroles de l'imam Ahmed, des paroles de Fulan, de Fulan, de Fulan. Et أخونا أحمد, il m'a regardé, il a dit, يا جبريل, أنت درست مع القواعد المثلى. وهذا في مذكور في قواعد المثلى راجع. Il m'a dit, سبحان الله يا جبريل, t'as étudié قواعد المثلى pourtant. Il m'a dit, tout ça c'est évoqué dans قواعد المثلى. Révise. سبحان الله, راجعت مباشرة إلى قواعد المثلى مع شرحه ومع بعض الشروحات أخر وإذا بالعقل يرجع كما هو. سبحان الله. Donc je suis reparti dans mes cours, dans les écrits que j'avais eus, avec les explications et tout. Et voilà que tout est revenu en place, en l'espace de 24 heures, je crois. Le lendemain, quelques pages afin de réfuter sa parole, la parole de ce frère-là, et je lui ai apporté. Il n'a pas accepté mes paroles. On a demandé à Cheikh Yahya de nous accueillir pour pouvoir discuter de la masala. On est rentré chez lui, on a évoqué notre contentieux devant Shireh. Et Shireh, subhanallah, ce jour-là, il veut. Shireh, c'est quelqu'un qui protège l'unité de. Il protège. Il a tout fait pour protéger l'unité du Merkez. Il voulait pas que. Il voulait rassembler et non pas diviser. Comme peuvent le prétendre les Hizbis, ça leur regarde et Yawm al-Qiyama, ils auront à s'expliquer de leur parole batila. Là, on s'est assis, c'est Cheikh, il dit, Antum, vous êtes tous à la khair. Toi, les paroles de l'imam Ibn Qudama, si tu suis les paroles de l'imam Ibn Qudama, sache que l'imam Ibn Qudama, il a des paroles qui ont été critiquées par les savants. Elles ne sont pas à suivre, tu dois les délaisser. Donc ça, c'est le conseil de Cheikh. Pour cet élève-là. Et pour la petite anecdote, cet élève-là, il n'avait pas supporté le comportement de Hamza. Hamza, lorsqu'il a vu que cette personne-là est têtue sur sa voix, Hamza, il lui a fait le hajj. Et Hamza, min shiddat mahabbatihi lis-sunnah, من شدة محبته للخير، من شدة محبته لمذهب السلف، كان يحذر منه. ومرة قال لأحد جيرانه: والله يا أخي لو كنت جاره لانتقلت من هذا المكان إلى أقصى ما يكون في القرية هذه. أخونا حمزة il a conseillé un jour son voisin, le voisin de cette personne-là, en lui disant: Ahi, moi si j'étais le voisin d'un tel homme, j'aurais déménagé sur le champ à l'opposé, à l'autre bout de la ville, pour ne plus jamais avoir ce genre d'individu. Enfin, ce frère-là, quand il a eu cette muamala, il n'a pas trouvé d'autres argumentations à dire lorsqu'on était assis devant Cheikh Yahya, si ce n'est de dire: Ya Cheikh, Hamza il m'a rendu innovateur, ou Hamza il met en garde contre moi. Naam. Et moi, ce jour-là, j'ai eu peur pour Hamza. Je me suis dit: Ah, Cheikh Yahya, peut-être il va pas apprécier cela. Et subhanallah, regardez, ya ikhwan, la basira des mashayikh. Wallahi, ya ikhwan, anna alladhi yattaqi Allah azza wa jal, fahu ala nourin min rabbih. Celui qui craint Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala le met sur une lumière, une clairvoyance. Il va dire des paroles, il va défendre des gens, il va affirmer, même sans avoir tous les éléments. Subhanallah, quand cette personne-là a dit: Oui, Cheikh Yahya, Hamza, il me traite comme ceci, cela. Cheikh Yahya, elle a dit: Amma Hamza, malak minhu. Hada akhuna al-fadil, malak minhu. Il a dit: En tout cas, Hamza, tu n'as aucune part. Tu n'as aucune part face à lui. Hein, Hamza, c'est notre élève, yani al-mahboub, c'est notre élève bien-aimé. Tu n'as aucune part avec lui. Après, qu'est-ce qu'il a fait, Cheikh Yahya? Avec intelligence, il a dit: Mais on va demander, je te demande à toi et Hamza de rédiger, vous deux, un livre sur une réfutation sur les gens de Tafouil, sur Ahl al-Tafouil. Faites une réfutation sur les gens de cette secte. Alors, le frère en question, il a dit: Ok, je vais rédiger une réfutation, mais je n'aurai pas besoin que Hamza m'aide. Je vais la rédiger moi-même. Et voilà comment s'est terminée la qissa. À la kulli hal, il était censé rédiger quelque chose. Il a rédigé un espèce de plaidoyer, ni pour ni contre. Et ensuite, il a quitté Dammaj, toujours sur sa croyance. C'était une petite parenthèse juste pour vous dire que ce genre de cours, ils sont extrêmement bénéfiques. Ils sont extrêmement bénéfiques. Et c'est pourquoi il ne faut pas être négligent. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne. C'est Allah qui vous fait parvenir la science. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui enseigne la science. Si un jour tu loupes un dars ou il n'y a pas de dars, sache que ce hadith-là s'applique. Ce hadith-là, il s'applique. Si un jour tu n'as pas dans ta vie de science, de rappel religieux, sache que ce hadith, il s'applique. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enseigne jour après jour, ou même un jour dans la semaine ou autre, c'est un signe qu'il te veut du bien. C'est un signe qu'il te veut du bien, donc il ne faut pas qassar fi hada. J'aurais bien voulu prendre un peu de madame Daoud Dawa. Enfin, Inch'Allah, on va faire la prière. Et après, on va reprendre le DAS. Exceptionnellement. Parce que j'ai envie d'avancer dans Daoud Dawa. Inch'Allah. On va s'arrêter là pour Qawaid al-Muthla. Ou bien non, on va s'arrêter là tout court. قدر الله ما شاء فعل راح الوقت الله المستعان سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك